Un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. C'était Minuit Vanderglow avec la chanson Karting Chrétien. On va maintenant parler de NASCAR. Tout d'abord, bon, ben, c'était la seule course qui était d'un circuit majeur qui était en action cette semaine. On avait relâche du côté de la F1, des IndyCar et de la course sur course à boîte à savon du côté de Saint-Étienne-des-Grès. Alors, gros calibre. Le viaduc là, au-dessus de la 55, là, vraiment, c'est une piste dangereuse un peu. Ben, il va falloir là, refaire le tracé. On parle de refaire tracé. La surface, oui. Oui. Refaire le tracé. De la boîte à savon, ça prend une côte. Ah! OK, plus sérieusement. C'est important. Hier, là, du côté du Martinsville Speedway, ceux qui ne connaissent pas Martinsville, 500, un demi-mille, très petite, très étroite, une piste que j'aime beaucoup courser dans les jeux vidéo parce que c'est absolument pas comme un Speedway. Un speedway, tu tournes, tandis que Martinsville, t'es tout le temps serré, t'as pas de vitesse nécessairement. Mais tu tournes. Ah oui, ben c'est du NASCAR, tu tournes, mais c'est pas la même dynamique de course. Donc c'est ce que je veux dire. Kevin Harvick l'a emporté malgré une voiture qui était difficile à contrôler et a réussi à dépasser Dale Earnhardt pour remporter la victoire du côté du Martinsville Speedway hier après-midi. Il restait 20 tours à faire là, quand Bush a dépassé Dale Earnhardt et Harvick, bon ben c'est sa deuxième victoire d'affilée. Ça va bien pour lui. Harvick a tout à été un peu le pilote qui a, on sait qu'il a du talent, mais a jamais réussi à aligner assez de victoires pour aller chercher un championnat avec ça. On se souvient, dans le temps, avait repris la voiture un petit peu de Dale Earnhardt, le père, quand le père était décédé en 2001. Et on voyait Harvick comme quelqu'un qui avait beaucoup de potentiel. Ça s'est pas nécessairement, avéré, réalisé à 100%. Mais ça reste un excellent pilote et on va lui souhaiter qu'il puisse qu'il soit dans la course pour détrôner Jimmy Johnson là, qui a été champion pour une troisième, quatrième fois, j'ai un petit blanc là, la saison dernière du côté du NASCAR, la série Sprint Cup. Formule 1 maintenant, on parle de Sébastien Vettel qui est pas très content. Du côté de Vettel, on parlerait de peut-être, il évoque une grève des pilotes. Les plaintes de Vettel vont au fait que, bon, selon le magazine allemand dans lequel il s'est confié, ce qu'il a déclaré, c'est que si la situation s'aggrave au point de devenir dangereuse, je crois que nous avons le pouvoir de faire entendre notre position. Vettel parlait, dans ce cas-ci, des ailerons, les fameux ailerons rétractables qui ont été installés sur les Formule 1 cette année. Il dit qu'il y a trop, il commence à avoir trop de boutons sur les volants. Ce qui pourrait venir déconcentrer ou les pilotes. Avez-vous déjà vu un volant de Formule 1 récemment, messieurs? Ben, récemment, je sais pas là, mais il y a plus de boutons là-dessus que dans la face d'un adolescent de 15 ans qui travaille chez McDonald's. Moi, j'ai vu ses Doritos. J'ai vu la semaine dernière, justement, ben, lors du premier Grand Prix, j'avais été vraiment impressionné par justement le nombre de. La complexité, là. Ouais, effectivement. Sauf que ça reste que t'es un conducteur professionnel, t'as 12 boutons en face de toi. Il me semble que là, c'est pas au-delà des capacités d'un être humain. Ce qu'on semble dire du côté de Vettel, c'est que oui. Il dit il n'y a pas une ligne droite où tu peux regarder tout droit. Mais. Les gars se font dépasser dans un épingle, ça passe à 4 de large, puis ils se touchent même pas, puis ils prennent le temps de s'envoyer promener avec rien qu'une main sur le volant, puis là, ils vont me faire pleurer parce qu'il peut pas regarder en avant dans une ligne droite. Hey, arrête, là, t'as rien qu'à savoir par cœur tes pitons, c'est tout, là. Non, ouais, on les voit conduire, les mains vont plus vite qu'un gars qui joue à NHL sur Xbox. Il faut trop bien que tu fasses de quoi, là? T'es pas pour être assis au volant et attendre que le char te guide tout seul, là. À vitesse qu'ils vont, là, ils ont pas. C'est du chignage. Non, mais. De plein de cash, pis ça m'écœure. Philippe, si les pilotes, qui sont les experts là-dedans, qui prennent pas mal, là, mais qui sont un petit peu mieux placés que toi pour décider ce qui est dangereux pis ce qui l'est pas. Non. Parce que, à part le klaxon, y a pas grand piton sur Tadéou, là, sur le volant de Tadéou. Je ferai remarquer d'ailleurs que le klaxon est débranché sur le volant de Tadéou. Si on affirme du côté de Vettel, du côté des autres pilotes, Gawo, ça va faire, là, ça en est dangereux, là. On n'arrive plus à se concentrer, on n'arrive pas, on est tout le temps en train de jouer avec ça, avec ça. Il y a une plainte là qui est valable. Il y a une plainte qu'on doit écouter parce que là, ce qu'on parle, on parle d'une grève là, du côté des pilotes. Ce qu'on dit, c'est que, tout est à propos du show, pis c'est pas à propos de la sécurité. Et L'aileron rétractable, je te pose la question, à quoi sert l'aileron rétractable? Ben, augmenter la vitesse dans les droites. Augmenter la vitesse pour permettre à un pilote de venir en dépasser. Augmenter les dépassements. Mais ce qu'on va dire du côté des pilotes, c'est, regarde, là, c'est le show, c'est le show, puis c'est le show. Tu penses pas à notre sécurité, tu penses pas à la sûreté de tes pilotes, tu penses seulement à ton show. Donc, c'est pour ça que les pilotes, présentement, Vettel en tête, Vettel, bon, qui est champion du monde, donc qui est la tête de mire du point de vue de l'attention des médias, qui déclare ça, ben je pense qu'il y a ici, il y a une plainte qui est valable et qui risque d'être écoutée du côté de la FIA. Ah oui, parce qu'en plus de contrôler dans quelle gamme de vitesse que t'es, en plus, avant d'arriver dans la courbe, faut que tu calcules ta vitesse, toute la ligne de course et tout ça. En plus, faudrait que tu penses à remettre à ton aileron. À peser sur un piton. Ouais, mais ils ont déjà combien de pitons à peser? Ouais. Combien de vitesse à descendre? Combien de vitesse à remonter? Faut que je joue avec le mélange de son huile. Faut que je joue avec la pression des pneus. Tu l'as, faut que je les plaigne? Ouais. Ah, OK. Non, mais c'est... C'est fait. C'est ma plainte. C'est quand même valable. Non. Moi, je pense que oui. C'est valable si tu te sers de cet argument-là pour aller plus loin, pour amener ton débat ailleurs. Si tu te sers de cet argument-là pour amener que tes plaintes ne sont jamais entendues auprès de la FIA, puis blablabla, blablabla, blablabla. Ça, je peux trouver ça intéressant. Mais que ce soit ton argument massu, puis que ce soit la chose sur laquelle tu te plains, on a un piton de plus. Non, mais. C'est ça qui est évoqué, mais je pense qu'il y a plus derrière. Il y a plus, comme Nicolas me disait durant la pause, il y a plus que l'aileron dans cette grève-là, c'est impossible. C'est effectivement, de déclencher. C'est attendons de voir où le débat va se rendre, puis comment est-ce que, jusqu'où on va aller du côté des pilotes, puis qu'est-ce qu'on va amener de plus. Mais faire une grève, puis chialer parce qu'on a un bouton de plus sur le volant, désolé, mais j'achète pas ça. Puis je suis vraiment pas le seul à pas acheter mais ça. Mais Vettel l'avait pas utilisé non plus l'aileron. Non, c'était le seul à ne pas l'avoir utilisé. Justement. C'est peut-être pour ça qui tourne un peu. Ben non, gars, laisse faire, là. Je vais me débrouiller. Gars, il a gagné par 22 secondes. Il doit-tu se dire, hey, l'aileron, là. Ouais, mais c'était pas un circuit avec beaucoup de lignes droites. Albert Park, non, pas nécessairement, mais je veux dire, lui, ce qu'il doit se dire, c'est j'ai même pas besoin de ça. Ouais, mais j'ai hâte de voir sur un circuit avec. C'est qu'en bout de ligne, tout le monde là, donc qu'est-ce que ça change? Mais c'est la même chose que le bouton boost là, du côté de l'année passée. Du côté de le curse qu'on appelle. Le push to pass dans c'est ça, le push to pass. Sauf que le push to pass, c'est tu l'utilises de façon stratégique toi-même, tandis que là l'autre t'as pas le choix d'utiliser à toutes les lignes droites, sinon tu perds du temps sur les autres. Et je suis curieux que tu aies cet avis là au niveau des boutons. Je suis surpris au niveau des boutons, Philippe, parce que t'es le genre de gars chialeux à ce qu'il se fait rajouter de quoi un travail. Tu fais ben là j'avais pas de temps, c'était pas prévu dans mes affaires puis tout. Mais là à ce temps que eux se font rajouter un bouton, tu vas dire ben oui, c'est juste un bouton de plus. Mais ça se pourrait-tu que c'est un bouton de plus, plus un bouton de plus, plus un bouton de plus qui fait qu'à un moment donné, on plafonne? Sache que lorsque je chiale, en fait, le moment où tu fais référence, c'est un moment où on avait à travailler ensemble et je n'ai chialé que pour te rendre un petit peu plus en colère. C'est tout. C'est notre complicité habituelle qui fait qu'on se pousse un peu plus loin. Philippe, mais lorsque... honnêtement, j'avais aucun moment en tête. Je sais juste que t'es de même, peu importe. Non, pas du tout. Généralement, je suis très heureux de recevoir une charge de travail. Simplement, je suis encore plus heureux si c'est pas moi qui ai à l'affaire. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas un pilote professionnel. Je suis pas payé des millions de dollars. Puis je trouve que la F1 est suffisamment en mauvais état en ce moment, suffisamment pas en santé. Ouais. Je veux dire, il y a des pilotes là dans la F1 qui viennent, ce qu'on appelle des pilotes payants. Les gars arrivent avec l'argent pour pouvoir avoir un volant. Ouais. Je veux dire, réglez donc ces problèmes-là avant. Chialez pour ça. Tu sais, amenez-moi pas un argument de « on a un bouton de plus à peser ». Ça me fait disjoncter. C'est juste ça. Je comprends la réticence des pilotes à dire que notre sécurité n'est plus nécessairement la priorité, puis que le spectacle passe avant tout maintenant, puis nanana. Mais amène ça comme argument, puis commence par te tenir ensemble, parce que les pilotes de F1, c'est connu, il y en a un qui parle, les autres disent non, c'est pas vrai, puis là, après ça, il y en a un autre qui reparle, puis non, c'est pas vrai, puis ça va être comme ça tout le temps. Ouais. Fait que, de toute façon, ils se parlent pas toutes la même langue. Non, it's not true, nesta pas vreto. Et c'est ça, c'était mon espagnol. Ah, okay. Mais merci pour la précision. Mais ce que je veux dire, si tu tiens absolument à manifester, fais pas une grève. Sers-toi en pas du piton si tu trouves que c'est donc pas de, que ça a pas d'allure. Pis, sauf que si toi tu t'en sers pas parce que tu trouves ça dangereux. Quand tout était complètement automatisé, là, il rentrait dans la zone des puits, puis la voiture arrêtait par elle-même, le push to pass se faisait par lui-même, les changements de vitesse se faisaient par lui-même. Il chialait, tout est automatisé, on n'a plus le droit, on peut plus se servir de nos talents. On peut plus faire en sorte de se séparer l'un de l'autre. C'est maintenant juste la voiture qui contrôle tout. Là, ils braillent parce que là, ils ont trop d'affaires à faire. Mais là, à un moment donné, branche-toi. Je pensais que l'aileron était contrôlé. J'ai plus l'impression, tu dis ils chialent parce que là, ils ont trop d'affaires à faire. C'est qu'ils se font rajouter des choses à faire qui n'étaient pas prévues. Va voir sur Google, là, regarde tout ce qu'ils ont à faire sur un volant, comme je disais tantôt, ouais, des mais pitons. Nick, c'est le job. T'en as combien des pitons sur ta console, là? Le gars qui chauffe une grue, là, il y en a combien des manettes à faire marcher? Il fait pas à 300 km/h. Ben non, il le fait à 450 pieds dans les airs. Ben, t'as-tu idée de comment ça bouge en haut? La responsabilité du poids que t'as en bas. C'est la même affaire. Je veux dire, c'est du chialage pour rien parce qu'ils ont 8 pitons au lieu de 7. Ils sont rendus à 12. Si tu l'as, faut que je pleure. C'est maintenant. Je peux te dire, moi, là, je suis prête. T'iras voir une photo à la pause. J'ai pas besoin. Je l'ai vu le Grand Prix hier. Je sais de quoi il y a l'air. Moi, tout, je trouve qu'il y en a beaucoup des pitons. Mais tu regardes les pitons, puis tu vas faire, ouais, mais attends une minute, ça, ils ont-tu vraiment besoin? L'argument reste tout même du côté de Vettel. C'était même pas nécessaire d'avoir ces ailerons-là. Pourquoi faut avoir ces ailerons-là puis nous rajouter du stock à toutes les lignes droites? Faut que je joue avec ça, faut que je sorte. Mais sers-toi-en pas, pèse pas sur le piton, c'est tout. Ouais, mais si tu t'en sers pas, tu perds un quart de seconde. Ah, ben là, tu joueras avec ta fierté, c'est ton problème, ça. Pas nécessaire, mais tu sais, juste quand on avait appris la nouvelle, nous-mêmes, on disait, ah, c'était le temps La semaine passée, on trouvait ça tout, toi et trois, là, on trouvait ça super intéressant. Mais on n'a pas pensé au piton. Je dis pas que c'est pas intéressant. L'invention est pas intéressante. Je dis que je comprends la plainte des pilotes qui trouvent ça, gars, c'était trop, c'était pas nécessaire. Tu comprends? Ouais, ouais. Bon. Petite nouvelle là, du côté de la course automobile. Kimi Raikkonen, là, qui est ancien champion de F1, qui évolue présentement en rallye automobile, va se joindre, s'est joint à Kyle Busch Motorsports et sera en action en NASCAR dans la série Craftsman Trucks. Du côté de Charlotte, c'est très le fun de courser des pick-up. Du côté de la série Craftsman Trucks dans les camions, dans la série de camions de NASCAR. Très étonnant comme nouvelle quand même, parce que Kimi Raikkonen, c'est pas le premier gars que j'imagine en NASCAR. Juan Pablo Montoya avait un caractère assez bouillant, donc je le vois là, mais du côté du Finlandais, c'est pas le gars qu'on voyait assez... C'est pas un gars qu'on voyait sortir de ses gonds, s'en aller. C'est un autre pilote de monoplace qui s'en va en NASCAR plutôt. Et je doute de son succès. Je doute fortement de son succès. À mon avis, là, ça devrait pas être un grand succès pour le Finlandais. Mais bon, il est multimillionnaire. Il peut bien aller s'amuser du côté des pistes américaines pendant 2-3 ans. Ça va une pause. Au retour, on parle des séries de la Ligue nationale de hockey, des séries. On y va avec nos prédictions. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Très c'est fou dans vos oreilles. 89.1. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduite de partie.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Tout d'abord, au hockey de la Ligue nationale, les Sabres de Buffalo ont ralenti l'ardeur des Hurricanes de la Caroline hier en les disposant par la marque de 2-1. Les Sabres classés 7e prennent donc 3 points d'avance sur la Caroline qui sont présentement classés à la 9e position dans l'Est. Du côté de Philadelphie, les Flyers croisaient le fer avec les Rangers de New York hier soir. On a dû se rendre jusqu'en tir de barrage pour voir les Rangers gagner un match important et ainsi conserver sa 8e position avec 2 points d'avance sur les Hurricanes. À Montréal, Jacques Martin a donné congé à ses joueurs hier au lendemain de leur victoire contre les Devils du New Jersey. Le tricolore disputera son dernier match à domicile mardi contre les Blackhawks de Chicago. Le Canadien se dirigera ensuite vers Ottawa et finalement vers Toronto. Au tennis maintenant, Novak Djokovic a une fois de plus eu le dessus sur Rafael Nadal. Après avoir défait Nadal en finale du tournoi d'Indian Wells, le Serbe a de nouveau frappé hier, ce qui lui a permis de remporter le Masters de Miami en 3 manches de 4-6, 6-3 et 7-6. En F1, Sébastien Vettel a évoqué dimanche dans la presse de son pays la possibilité d'une grève des pilotes pour protester contre l'introduction en 2011 de l'aileron arrière ajustable. Selon lui, ce dispositif pourrait venir nuire à la sécurité des pilotes. Au basketball, c'est ce soir qu'aura lieu la finale du March Madness de la NCAA. Pour l'occasion, l'Université Butler affrontera les Huskies du Connecticut, eux qui ont mis fin au parcours des Wildcats du Kentucky par la marque de 56 à 55. Et finalement, dans la LHGMQ, les Cataractes seront en action ce soir à l'occasion du début de la deuxième ronde des séries éliminatoires. Shawinigan affrontera les Remparts de Québec et le tout commence ce soir à 19h au Colisée Pepsi. Voilà, c'était nos informations. Non, pas ce soir, vendredi soir au Colisée Pepsi, excusez-moi. Voilà, c'était nos informations de l'inconduitedeparti.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. J'ai enlevé un patin en plein match pour frapper un adversaire. Je suis le seul à l'avoir fait ça. L'inconduite de partie. J'adore ça. Weezer, Ruling Me. Bonne petite toune ce matin. J'aime bien ça. Moi aussi. Je sais que tu parlais de ça, mais je voulais faire comme si tu parlais de la musique et non pas de mon ID. Alors, hier soir, messieurs, une soirée quand même assez... point tournant, un peu tournante au niveau de la course aux séries éliminatoires dans l'Est de la Ligue nationale, dans la Conférence Est de la Ligue nationale. On a eu, bon, du côté des matchs qui étaient disputés. Hier, l'après-midi, les Flyers de Philadelphie ont réussi à se planter royalement, et très royalement, ce qui a permis aux Rangers de l'emporter. Fait que ça, c'est pas plus wouhou. Non, mais c'est pas grave, les Rangers qui nous rattrapent pas. J'haïs tellement les Flyers cette année que... C'est ça. Ça me fait du bonheur. Okay. Qui l'ont emporté 3-2, donc contre les Flyers, les Rangers qui l'ont emporté en tir de fusillade, donc un point pareil pour Philadelphie, mais surtout 2 points pour les Rangers. Et le match qui allait être révélateur, Buffalo-Caroline, une victoire de 2-1 des Sabres sans Ryan Miller, qui est probablement le point tournant, ce qui est le plus impressionnant dans cette victoire des Sabres, c'est de l'avoir fait sans Ryan Miller. Et ce qui fait qu'au classement, présentement, là, ce matin, du côté du classement de la Ligue nationale, pour l'Est, là, bien sûr, là, juste pour dire, celui qui remplaçait Ryan Miller, c'est Jonas Enroth. Oui. Avez-vous vu l'arrêt qu'il a fait sans son masque? Oui, j'ai pas compris. Non. Parce que t'es pas supposé automatiquement d'arrêter le jeu. Pourquoi un gardien de but, a à faire un arrêt sans son masque? Je croyais moi aussi, mais non... Ça semble pas être dans le cas. Dans le fond, c'est quoi, l'arbitre a pas arrêté le jeu? Et il y a eu un tir ou bien il a perdu son masque et le tir était déjà décoché ou. La rondelle était un peu dans la région du but, là, comme ça, je m'en souviens pas exactement. La séquence que j'ai vue, la passe qui se fait devant le filet, tout près de l'enclave, le gardien a déjà pu son masque, doit faire le grand écart pour arrêter la rondelle. Et puis il y a 3 ou 4 retours encore, là, on pioche un peu là, donc, sur c'est une erreur de l'arbitre. Ah, ben oui, ben ça. OK. Bienvenue dans la Ligue nationale. Boy. Donc, c'est un but de Marc-André Gragnani. Qui? Marc-André Gragnani. Le Québécois, là. Originaire de Montréal, en plus. Puis, il est 201 livres, je suis sur son profil. Ce choix de troisième ronde des Sabres de Buffalo, donc Marc-André qui a donné la victoire. Mon chum Marc-André qui a donné la victoire aux Sabres de Buffalo. Donc au classement, là, bon ben allons-y avec les équipes qui sont pas encore assurées de faire les séries éliminatoires, c'est-à-dire le Canadien de Montréal, les Sabres de Buffalo, les Rangers de New York au 8e rang, les Hurricanes de la Caroline et les Maple Leafs de Toronto au 10e rang, qui sont encore mathématiquement en position pour faire les séries éliminatoires. Messieurs, je pense que du côté de Caroline, on avait absolument besoin de cette victoire-là. Ça va faire mal. Il reste 3 matchs à la saison. Toutes les équipes sont à égalité. 79 matchs de disputés. Par contre, le Canadien, bon, 91 points. Les Sabres, 90 points. Les Rangers, 89 points. Et Caroline, 87 points. Est-ce que, d'après vous, Caroline a une chance... Ben, mathématiquement, oui, a une chance de faire les séries, mais est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire les séries? Ben, on regarde leurs 10 derniers matchs. 7 victoires, 2 défaites, une défaite en prolongation. Était-ce une belle séquence? On peut dire merci hier à Buffalo là, d'avoir freiné parce que on a seulement quoi? On a 4 points d'avance sur eux. Il faut regarder là, du côté des Rangers aussi, là, dans le cas de la Caroline. Prochain match des Rangers contre Boston. Ouais. C'est loin d'être gagné. Oui, on a gagné contre Philadelphie, mais comme tu le dis en fusillade, ça risque d'être le même genre de match un peu. Mais jouer Philadelphie-Boston en moins de 24 heures, ça sera pas évident là, ce soir contre Boston. Puis du côté de la Caroline, ben peut-être un calendrier un peu plus simple, Clément. Un peu plus léger. Ouais, Clément, on reçoit Détroit mercredi prochain seulement. Donc on a quand même un bon loose, comme on dirait. Par chez nous. Mais évidemment. Une série de 3 victoires, oui, une séquence de 3 victoires présentement. Je comprends, mais ça reste un match hors association, ouais. L'Ouest contre l'Est. Bon, ça a toujours un peu moins de valeur. Là. Dans le cas de Détroit, on n'a plus rien à gagner. Ouais, il est assuré du titre. Bon, c'est ça. Tu risqueras pas de blesser ton joueur. C'est ça. Ça risque d'être le deuxième gardien. Joey McDonald. Exactement. Donc, tu sais, peut-être un peu plus simple à ce niveau-là pour la Caroline. Puis, on est très proche quand même là, du côté de la Caroline. On est à une victoire seulement de rejoindre les Rangers. Du côté des Rangers, là, on a attendé que je vérifie. On a-tu une victoire en main? Je crois que oui. On a plusieurs victoires en main. Ouais, exactement. Donc, du côté des Rangers, là, si ça finit égal, on est assuré de passer. Donc, il faut absolument que la Caroline gagne au moins un match de plus ou du moins une défaite en prolongation, un peu comme on l'avait vu du côté du Canadien l'an dernier, là, une défaite à Toronto en prolongation qui nous avait assuré une place en série. Mais je crois que la Caroline a des chances de faire les séries, mais il faut pas compter non plus battu battus John Tortorella et sa fougue légendaire en fin de saison. Ben, donc à ce niveau-là. Je vous dis l'horaire là, pour les Rangers de New York pour les trois prochains jours. Probablement, c'est trois matchs à domicile, donc ça, c'est un avantage. Ouais. Boston, comme tu disais ce soir, je pense qu'il va être un très bon match. Là. Je sais pas si c'est sur les ondes de TSN. C'est sur les ondes de RIS plutôt. Atlanta ce jeudi. Donc ça, je pense qu'on peut donner deux points assez aisément aux Rangers. Devrait, ouais. Et New Jersey samedi, logiquement deux points. Et réellement, contre un rival comme ça, si on veut jouer les troubles fêtes, c'est pas fait. Contre Boston non plus, c'est pas fait. Je pense qu'on peut aller chercher aisément trois points. Je vais donner une défaite en prolongation. 3-4 points du côté des Rangers. Si on obtient 4 points, on est assuré de faire les séries facilement. Je pense qu'à soir, c'est le match de l'année du côté des Rangers de New York. Parce qu'une victoire va leur garantir une très bonne avance sur les Hurricanes. Effectivement, avec une victoire, ben ils repassent devant Buffalo. Donc ça aussi, là, ça donne un peu de... une petite zone tampon, si tu veux, là, ne serait-ce que dans la tête des joueurs pour affronter les prochains matchs. Oui. Du côté de la Caroline, bon, Détroit, moi, je suis d'avis que Détroit, c'est absolument loin d'être fait. Je pense qu'on veut quand même rentrer fort. Joey McDonald est quand même capable de garder les buts assez bien. Là. Normalement, ça devrait être lui. Hein. Moi, on envoie Jimmy Howard. Là. Ensuite, Atlanta, deux points faciles. Tampa Bay, c'est pas fait non plus. De ce côté-là. Donc, c'est pas une. Probablement que Caroline a le calendrier le plus difficile des équipes restantes. Je trouve. Mais je suis pas tout à fait d'accord Buffalo. Parce que tu vas affronter justement des équipes déjà classées qui ont plus rien à prouver et qui veulent absolument pas se blesser. Et la façon dont Caroline joue dans les dernières semaines, il y a de la hargne, il recommence à marquer des buts comme on les connaît, c'est-à-dire sur le 33e retour avec le 4e joueur dans l'enclave. Mais ça fonctionne. C'est que tantôt, Marc-Antoine disait sont sur une séquence de 7 victoires, 2 défaites et un match nul. Le problème, c'est que les Rangers ont la même séquence et Buffalo sont 6-2-2. Donc, tout le monde joue fort. La seule équipe, là, présentement, dans le top 11, qui n'a pas une fiche gagnante dans ses 10 derniers matchs, c'est le Canadien de Montréal. Même les Thrashers d'Atlanta sont 5-5. Là, on joue pour 500. Toronto, 7-3. Toronto, on va s'être mis à jouer un petit peu trop tard là, du côté de la Ville-Reine. Il y a Philadelphie aussi qui est 3 victoires, 3 défaites et 4 défaites en prolongation. Merci Marc-Antoine. Ils sont une séquence de 3 défaites présentement. Ça va pas très bien pour eux. Rentrer en série avec peu de momentum comme ça. Je vous dis, les Flyers vont peut-être tomber en série. Ouais. Je les vois tomber en série. Autant que l'an passé, c'était le contraire. Ils sont rentrés par la porte d'en arrière puis ils sont rendus jusqu'au bout du côté des Flyers. Surtout qu'on s'enligne pour affronter soit les Rangers ou la Caroline. C'est sûr que si c'est Buffalo qui termine 8e, je donne les Flyers facilement gagnant. Mais si on a affronté soit la Caroline ou les Rangers, je penserais pas que... Je pense que la surprise pourrait être causée. Ouais, les Rangers ont montré qu'ils étaient capables de gagner hier aussi contre Philadelphie. Donc, ça paraît que... Ah, mais Philadelphie pense aux séries. Là. Ils ont hâte que la saison finisse. Ça paraît que Chris Pronger pas là. Ouais, effectivement. C'est on a perdu Brière également hier à l'écart du jeu là, pour, je crois, jusqu'à la fin de la série. J'étais pas au courant. Du côté de Buffalo, les trois dernières équipes qu'on va affronter, c'est Tampa Bay, Philadelphie et Columbus. Le fait que Ryan Miller n'est pas là, ça va probablement coûter un 2 points quelque part. Une chance qu'on a 2 points d'avance sur Caroline, parce que je pense que ça va être difficile là, de leur côté. Mes prédictions, les Rangers vont faire les séries. J'en ai la ferme impression. Buffalo, on a 3 points d'avance sur Caroline. Avec le système de points, de défaites en prolongation et de points, je crois que ce qu'on voit comme tableau des séries éliminatoires, c'est le tableau final qu'on va avoir. Peut-être une inversion au niveau Buffalo Rangers, mais je pense que Caroline vont juste manquer un petit peu d'essence à la fin pour se rendre en série. Parce que tu disais Atlanta, 2 points faciles pour la Caroline ou New York, mais il leur reste 4 matchs à jouer, ils vont sûrement aller chercher une victoire là-dedans et ça pourrait être contre la Caroline ou New York. Là. Ben, peut-être, mais je veux dire, c'est pas fait. Moi, je vais avec ce que je vois comme match. C'est sûr, mais ils pourraient venir jouer les troubles fêtes là-dedans. Rendu là, ces équipes-là, c'est tout ce qu'ils ont, là, jouer les troubles fêtes. Parce que pour le reste, t'as pas grand-chose à faire. Du côté, maintenant, on change de conférence, messieurs. Ouais, dans l'Ouest aussi, là, ça devient intéressant. Calgary, là, qui essaie encore. Exactement, Le problème avec Calgary, c'est qu'on a un point de retard sur Chicago. Chicago. Et deux matchs de plus de jouer aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est que dans l'Est, tout le monde est égal. Dans l'Ouest, il n'y a pas personne qui a à peu près le même nombre de matchs à jouer. Dans le fond, tu sais, on a Chicago qui est à 78 matchs. puis t'as Calgary qui en a déjà 80. Je veux dire, il y a une différence de deux matchs là avec tu sais il te reste deux matchs, il reste quatre matchs là, c'est une différence de 8 points de 4 points là. C'est important au classement. Fait que moi je pense que du côté de Calgary, c'est pas Chicago qu'il faut viser mais bien Anaheim. Parce que Chicago, forcément, là, avec quatre matchs à jouer, va finir, en tout cas, à mon avis, en avant d'Anaheim. Donc, du côté de Calgary, on est à deux points des Ducks, avec un match à la traîne. Mais il faudra vraiment là mettre les bouchées d'eau. Est-ce qu'on affronte Anaheim du côté de Calgary d'ici la fin de la saison? Je vous sors ça, les horaires, laisse-moi quelques parce que c'est tout dépendant des rencontres. Là, si on affronte les équipes dans la course, comme normalement qu'on fait en fin de calendrier. Du côté de Calgary, mercredi, on affronte Edmonton, puis Anaheim, c'est San Jose. Mais pour les autres matchs par la suite, là, je sais pas. Là. Je vous dis ça dans quelques petites secondes. Vas-y, dis-nous ça. Parce que du côté d'Anaheim, tu voulais savoir qui contre qui, répète-moi ça. Calgary-Anaheim. Anaheim, leurs trois prochains matchs. San Jose, c'est pas fait. Los Angeles et deux fois Los Angeles. Donc, c'est absolument pas fait du côté d'Anaheim. On reste à la maison. On y va en autobus. Oui. Du côté de Calgary, il ne reste que deux matchs. Edmonton, on s'attend à une victoire aisée. Oui. Et Vancouver, on s'attend à une défaite. Mais... dernier match de saison. C'est quand même. Ça va être vraiment Corey Schneider qui est dans les filets. Excusez-moi de vous amener ça sur le débat, mais c'est excessivement inégal comme calendrier moins. Parce que je sais que tu peux pas prévoir ni rien, mais regardez, tantôt on parlait de Détroit qui est en Caroline ou Chicago qui vient affronter le Canadien demain. C'est quand même assez. Assez surprenant de voir que Calgary, eux, vont jouer contre à la fois Edmonton et Vancouver. Donc, également, là, on y va en autobus. Anaheim contre San Jose, Los Angeles, c'est une question de changer de bord de la baie. C'est particulier. Sauf que, Philippe, je veux dire, dans la Ligue nationale, les équipes de Californie sont toutes à 40 km de chacune, alors que Chicago est probablement l'équipe qui fait le plus de trajets. Ouais, c'est vrai. Et donc, faut pas... C'est ça, la Ligue nationale. Là. Ces gars-là, c'est des professionnels, de toute façon, sont habitués. L'équipe qui a le... Dans les trois équipes qu'on a nommées tantôt, l'équipe qui a le calendrier le plus difficile, d'après moi, c'est Chicago. Demain soir, contre le Canadien à Montréal, c'est pas fait. C'est absolument pas fait. On peut s'assurer, presque, d'une place en série du côté du Canadien demain. Et je pense qu'on va livrer une bonne performance. Surtout qu'on espère peut-être donner un petit peu de repos à Carey Price d'ici la fin de la saison, un match là à quelque part. Ça sera pas facile lui laisser une soirée de repos là. Non, ben c'est ça, on va manquer de jeu un peu, mais contre Ottawa, je pense que ça serait. Si on l'emporte demain contre Chicago, on peut donner un repos à. C'est sûr que si Canadien gagne demain contre Chicago à Ottawa, c'est old. Ben avec Jacques Martin, je suis pas sûr. Il a tellement donné de match à. Parce qu'on donné de match à Carey Price cette année là. On peut pas se permettre de refaire le scénario Toronto-Montréal pour décider qui c'est Montréal parce que Toronto va se faire. Oublie ça. Il y a pas de danger que les Canadiens fassent pas les séries là. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Il y a trop d'équipes à la traîne. Exactement. Qui vont se tirer. Exactement. À moins qu'en arrière tout le monde gagne, mais sinon, oui, mais on va se manger entre eux autres là, si tout le monde gagne à l'arrière, donc c'est pas. Non, tout le monde avance, on s'affronte pas. En tout cas, les autres matchs pour Chicago, c'est Saint-Louis mercredi, vendredi et dimanche Détroit deux fois. Donc ça aussi, c'est absolument pas fait du côté de Chicago. Je regarde ça. Une équipe aussi que c'est dommage pour elle, c'est les Stars de Dallas. Pas mathématiquement éliminé, mais c'est tout comme là. On est à 3 points, il nous reste 4 matchs. 3 points de Chicago. Mais encore là, Chicago a des matchs en main. Non, c'est contraire. Non, c'est vrai, effectivement. Il faudrait que Chicago perde quasiment tous ses matchs. Ouais, c'est ça. Ben Chicago ou Anaheim qui est en avant qui viennent perdre leur match. C'est ça un peu le problème, c'est que Chicago vient un peu fausser la donne parce que selon moi forcément ils vont monter au classement. Fait c'est vraiment Anaheim qu'il faut viser, mais Anaheim joue du hockey incroyable en ce moment avec Perry, Getzlaff et Bobby Ryan qui est un des trios les plus dominants de la ligue en ce moment. Donc ça va être difficile dans l'Ouest. Je pense que le classement qu'on a actuellement dans l'Ouest risque d'être sensiblement le même également, probablement là une inversion entre Anaheim et Chicago. Et du côté de Dallas, ben c'est parce qu'on a connu une très mauvaise séquence dernièrement. 2 victoires, 5 défaites et 3 matchs nuls. Parce que sinon, eux aussi, on a manqué de gaz en fin de saison. Parce que sinon, là, on affrontait Columbus, Colorado deux fois et Minnesota. C'est-à-dire 3 équipes qui ne font pas les séries. Colorado, qui est la deuxième pire équipe de la Ligue nationale présentement. Donc, on avait d'excellentes chances de se classer. Mais la position n'est pas très confortable présentement. Je pense qu'avoir 2 points de plus, avoir 91 points, juste à être égalité avec Calgary, Dallas pourrait très bien venir chauffer les deux équipes en avant d'eux, c'est-à-dire Anaheim et Chicago. Mais là, Encore là, j'ai l'impression que le portrait des séries devrait rester le même, mais Chicago va devancer Anaheim. Je crois que c'est la chose logique là, qu'on va pouvoir voir du côté de la Ligue nationale. Du côté de l'Ouest, plutôt, de la Ligue nationale. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Alors, messieurs... J'ai une question, les gars. Vas-y. Est-ce qu'on va avoir un marqueur de 50 buts cette année? Là, tu me surprends. Là, on a... Stamkos à 44 en ce moment. Non. On n'a pas un Sedin aussi qui est en haut de 40? Corey Perry à 47. Puis il y a Sedin, le Daniel du prénom, à 41. 41, ouais. Non. Corey Perry à 47. Oui, il reste trois matchs. C'est faisable du côté de Corey Perry parce que on a besoin de buts, on a besoin de évidemment, mais ça reste que c'est quand même généralement là, d'habitude à cette temps-ci de l'année on l'a notre marqueur de 50 buts là. Ma prédiction, il va terminer à 49. Ça c'est agressant un peu, hein. Finir à 49 là. Ben, c'est un chiffre magique, 50, ça veut pas dire grand chose. Moi je suis content qu'on ait notre marqueur de 100 points. Je serais content. Daniel Sedin qui encore une fois n'aura pas été choisi premier dans les poules. On choisit tout le temps les gros noms. Cédine Vancouver. Et messieurs Vancouver. J'en ai, moi, Cédine. Daniel, oui. Bon, mais tu l'aurais-tu pris? Henrik, je sais. Ben oui, ça a été mon. J'étais dernier dans mon choix de poule. Donc, je choisissais. C'est ce que je dis. Je choisissais Afanas. C'est le début. C'est ce que je dis. Personne. Vous étiez combien dans votre poule? On était un gros total de 8. Bon, 8. Ça veut dire que Daniel Sedin est sorti 8e. Effectivement. Et pas sorti en premier. En fait, il est sorti 9e parce que ça n'a pas été mon premier de mes deux choix. Qui était? Henrik Zetterberg. Bon, vois-tu, donc... Si je me trompe pas, là. Là, du coup, on va devoir peut-être commencer à reconnaître le talent des Sedin à Vancouver. Là. Et le talent de Vancouver aussi. Ben, le talent de Vancouver, ça, c'est un autre fait. Là. Les Canucks, là, qui sont une équipe à part, là, présentement. Pas, 113 points. Si Chicago finit 8e, Chicago-Vancouver, on... Oh, ça va être... s'aime pas. Prenez pas tout de suite pour acquis que Vancouver va passer. Depuis combien d'années que Vancouver était capable de battre Chicago? Ça fait 3 ans de suite. Ouais, hein? Ouais. Ça fait 2 ans, c'est sûr, là. Ça ferait 3 ans de suite. Oh boy. Mais comme j'en parlais avec un de mes amis, puis bon, Dustin Byfuglien n'est plus là, il n'est plus à Chicago. Ouais. C'était le gros joueur qui faisait toujours mal à Vancouver. On va voir là si du côté de Vancouver, on va être capable de battre la gang de Chicago. Donc, ça va être très, très, très intéressant. Parce que... Non, Daniel Sedin, mon premier choix, c'est Danny Hitley qui a été l'autre tout de suite après. OK. C'était pas grave. Il tenait pas non, mais ça. Je voulais le savoir. Du côté de Vancouver, encore Henrik Sedin, bon, ben 73 passes. Sedin, là, qui tout un passeur pour Daniel, on s'entend qu'ils vont aller se rejoindre quelquefois. Parce que du côté d'Henrik, on n'a toujours pas atteint le plateau des 20 buts. On peut se douter que ça devrait se faire d'ici la fin de la saison, mais Henrik qui est un passeur né, alors que Daniel, bon, on a 41 buts, donc qui est plus le tireur d'élite du côté de Daniel. Est-ce que c'est encore Alex Burrows qui évolue avec eux? Ben, du moins, là, la dernière fois que j'ai regardé, c'est-à-dire la semaine dernière, c'était encore Burrows qui profitait des largesses des Sedin, en fait, là, et de leur générosité. Du côté de Burrows, on a présentement 47 points cette saison. J'ai une petite question pour vous autres. Est-ce que Lapierre est dans le line-up fréquemment? Doit évoluer sur la quatrième. Oui, c'est ça, Maxime Lapierre. Je te dis s'il a disputé les derniers matchs du côté des Canucks, du Maxime Lapierre. Oh, ils ont pris sa belle petite photo avec les Canucks aussi. Là, petite tête, là. Last five games a évolué dans l'alignement, écoute, dans les matchs du 25, 27, 29, 31 et le 2. Donc, j'en déduis que oui. Des temps de jeu qui tournent entre 12 et 14 minutes par match. C'est bien. Environ. C'est un troisième trio. C'est quand même des bons temps. Je veux dire, on a vu pire que ça côté utilisation. Il doit être content d'être dans une équipe gagnante, là, de passer de Montréal à Vancouver. Non, mais il a passé à... Ouais, à Anaheim avant. Mm-hmm. Ouais. Ça a pas été long, Anaheim. Hein? Non, c'est ça. Mais non, c'est ça. Donc, non, le Pierre semble bien s'en tirer là, du côté de Vancouver. De Vancouver, oui. Et bon, j'imagine qu'il évolue un petit peu, qu'il fait un petit peu le rôle qu'Alex Burrows. Et on en parle. Ce qui est la spécificité de Burrows, c'est ce qui a fait qu'il a autant de succès avec les deux Sedin, mis à part bon le talent des Sedin, c'est qu'il va créer de la place sur la glace pour les deux autres Sedin. Ça va être le gars qui va aller se mettre devant le filet. Ça va être le gars qui va déranger. Alors, ce qui fait qu'on n'a pas le choix de mettre un gars dessus. Ce qui fait qu'on peut pas mettre deux gars sur Daniel. Et qui fait que, bon, ben Daniel Sedin a présentement 100 points au classement. Donc, ça va être très intéressant. Les résultats devraient être sortis d'ici dimanche, lundi matin. On va savoir qui fait les séries. On va savoir qui le Canadien affronte en séries éliminatoires ou s'ils ont pas fait. Mais dans ce cas-là, attention, Montréal va être tout feu, tout flamme. Quoi que quand on fait les séries, on est aussi tout feu, tout flamme du côté de Montréal. Mais bon, ça va une pause. Au retour, Philippe nous parle de foot, ta chronique soccer. Vous êtes à l'écoute de l'inconduit des parties sur les ondes de C'est fou. Pour vous, avec vous. Mettez-vous en plein la vue sur la relève. 5 au 23 avril, au Rialto, La Tulipe, Lion d'Or, Gymnase, Divan Orange et au Mai. 15 soirées exaltantes où originalité, nouveauté et découverte sont au menu de cette manifestation printanière unique. Ici Isabelle Blais, porte-parole du 16e Festival Vue sur la relève, commandité par Loto-Québec en collaboration avec Québecor. Venez découvrir 38 nouveaux spectacles. Des créateurs de toutes les disciplines des arts de la scène vous en mettront plein la vue sur la relève. C'est un rendez-vous. Information vuesurlarelève.com. Mamma mia, de la bonne pizza! Restaurant Botan Pizza, toujours 2 pour 1, au 3097 Boulevard des Forges, 694-2694, au plaisir de vous servir. C'est fou dans vos oreilles. 89. La rivière, le 16e. Ah oui. Oh, attention! Oh, oui. Oh. Birdie! Incroyable! Renversant superbe! C'est un, dans son cas-là, c'est un 5e consécutif. Un 7e pour l'équipe. Incroyable. L'inconduit de partie. Regardez sa réaction. Il n'en revient pas. Et vous êtes de retour à l'inconduite de partie. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les ondes, sur nous, là, si vous voulez nous écouter, là, si vous voulez nous écrire plutôt. Oui. Live à commercial, inconduitedepartie.com et notre site web toujours, inconduitedepartie.com. On s'en va en musique, là, tout de suite à un retour de pause comme ça. On va aller écouter un petit peu d'Antoine Graton. Tune est funny. Là. Soit on l'aime, soit on l'aime pas, celle-là, je vous dirais. Avec la chanson 500 000. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou! Toutes les actrices blondes des films américains dans les années 80, tu m'as donné espoir que peut-être un jour ce serait mon tour. Mais à la place, tu m'as regardé dans la face et tu m'as dit oui quand j'étais devant ici. Puis t'es parti sans me dire où tu t'es rempli pendant que j'étais sous. Antoine Graton avec 500 000 milles. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Philippe, on parle, parle-nous de soccer. Là. Oh oui, c'est enfin le temps. La Champions League qui recommence, les quarts de finale cette semaine en fait, deux matchs demain, deux matchs mercredi, donc il y a de quoi s'énerver. Demain, Inter Milan affronte Schalke dans ce qui devrait être en fait le quart de finale peut-être le moins palpitant, mais quand même Inter Milan qui devrait l'emporter relativement facilement. Je trouve que c'est intéressant au niveau des statistiques dans le tournoi, Inter Milan qui a seulement un but de plus que Schalke de marquer. Évidemment là, au niveau des tentatives voyons, j'ai un blanc. Des chances de marquer du côté de l'Inter, on est dominant. Mais rien n'est joué quand même. Schalke qui pourrait faire une petite surprise. Puis quand même une équipe relativement indisciplinée. Là, 126 fautes commises depuis le début du tournoi contre 86 seulement du côté de l'Inter. Donc il va falloir faire attention à ça du côté de Schalke parce que sur les coups arrêtés, Inter peut faire très très mal à Schalke. Ensuite, deuxième quart de finale, le quart de finale que j'attends avec impatience, Real Madrid contre Tottenham. Donc, mon équipe contre Tottenham. Real Madrid qui quand même va être privé de Cristiano Ronaldo et ainsi que Karim Benzema. Donc, ça va être intéressant pour le premier match. Au moins, le retour d'Higuain là, qui pourrait peut-être un peu aider le Real Madrid. Mais ça risque d'être un petit peu plus compliqué que ce n'aurait dû l'être. Au niveau des buts marqués, Tottenham et Real Madrid sont exactement à égalité dans le tournoi, 19 de chaque côté. Du côté de Tottenham, vraiment, là, on surprend un peu là, les rondes de cette année. Il y a Peter Crouch qui va être à surveiller dans la surface, là, le très, très, très, je vous en ai déjà parlé, longiligne. Ouais, longiligne. Peter Crouch. Donc, dans la surface, va vraiment falloir y faire attention, y porter une attention particulière du côté de Real Madrid. Mercredi, ensuite, le quart de finale tant attendu. Chelsea affronte Manchester United. En fait, Manchester United affronte Chelsea, mais bon, on comprend. On change le trottoir, là. Du côté de Manchester United, on est gonflé à bloc. Je vais vous en parler un peu tout à l'heure. Là, Wayne Rooney, entre autres, là, qui a marqué un tour du chapeau dans le dernier match là, contre c'était en fin de semaine contre West Ham United, ouais, qui menait 2-0 à la mi-temps. Et ensuite, Wayne Rooney a pris les choses en main. Je vais vous en parler. Là, Rooney qui est peut-être sous le coup d'une sanction. À quel point là, ça peut être ridicule des fois des règlements. Donc du côté du tournoi, par contre, Chelsea domine outrageusement au niveau des buts marqués, c'est 16 contre 9 seulement pour Manchester United. Rappelons cependant que Manchester United n'a toujours pas perdu depuis la ronde des 16. Donc, ça risque d'être extrêmement important. Manchester United qui gagne comme à son habitude avec une possession de ballon parcimonieuse et un jeu défensif très, très, très, très, très bien serré. Puis on marque au bon moment. On profite de ces occasions. Au niveau des fautes commises aussi, c'est 102 des deux côtés. Gageons que ça risque de grimper assez rapidement. Deux équipes qui s'aiment pas énormément. Non, ouais. dans la Barclays League, entre autres, là, Manchester United qui a vraiment remonté au classement, en fait, qui est premier, très loin devant. Chelsea qui a dégringolé jusqu'au quatrième rang, pardon. Donc, ça risque d'être à double saveur un peu là cet affrontement parce qu'à la fois justement on veut marquer le coup pour la Barclays League et évidemment ben on veut poursuivre le plus longtemps possible dans la Champions. Et dernier quart de finale qui aura lieu également mercredi, Barcelone contre Shakhtar Donetsk, le FC Barcelone qui est mon autre équipe qui devrait l'emporter là relativement facilement contre le Shakhtar Donetsk, mais quand même il va falloir faire attention, Shakhtar qui marque des buts le même nombre que Barcelone, 18, c'est cependant au niveau des fautes commises, 140 contre 76 seulement là du côté de Barcelone. Donc le Shakhtar qui devra faire très attention tout comme dans le cas de l'Inter Milan là, le FC Barcelone qui peut faire très très mal sur les coups de pied arrêté. On en parlait il y a quelques secondes, là, Wayne Rooney qui pourrait faire face à trois matchs de suspension lors du dernier match contre West Ham. Wayne Rooney a marqué trois buts et lors de son troisième but, s'est exclamé d'un bon vieux « what the fuck ». Et bon, je me suis gâté de le dire parce qu'on n'est pas en Angleterre et puis c'est top. Mais je trouve que c'est excessivement sévère pour une célébration qui en fait là n'est pas dramatique. On avait vu Cristiano Ronaldo également là à la fin de la saison dernière lors de son élimination à la fin du mondial avait craché devant la caméra, avait été également mis à l'amende. Donc là Wayne Rooney pour avoir bon disons sacré là mais pour s'être exclamé avec force et puissance pourrait être suspendu 3 matchs. Donc vraiment un règlement que je trouve excessivement imbécile, mais c'est pas moi qui ai fait, c'est eux autres. Du côté de la MLS, Toronto, grosse transaction, Dwayne DeRosario qui est échangé au Red Bull FC. C'était jeudi dernier. Donc qu'on commençait à entendre parler la rumeur là, ça s'est profilé au fil du week-end. D'ailleurs, Toronto qui a remporté son match en fin de semaine. On voulait se débarrasser du contrat de Dwayne DeRosario. Exactement, tout à fait. Puis en même temps, on va chercher 2 joueurs qui vont permettre un peu de profondeur du côté de Toronto, qui a vraiment pas le début de saison qu'on s'attendait. 2 matchs en commençant contre des équipes de l'expansion et une défaite, on se rappelle, contre Vancouver. Du côté de l'Impact, Patrick Leduc, mardi dernier, accrochait ses patins. J'en ai pas parlé vendredi. accrochait ses crampons. Effectivement, donc Patrick Leduc a après avoir joué 11 saisons au niveau professionnel, tout avec l'Impact de Montréal, a annoncé officiellement sa retraite mardi midi. Peut-être un poste là, dans l'entourage de l'Impact, peut-être également avec l'Académie. On verra, là, tout est encore à écrire. Du côté de Patrick Leduc, du nouveau aussi du côté de l'Impact, Laurie se joint à l'Impact. L'Impact a annoncé mercredi la mise sous contrat du milieu de terrain américain Amir Laurie pour la saison 2011. Laurie, 27 ans, a disputé les 2 dernières saisons avec les maudits Railhawks de la Caroline, finaliste des dernières séries éliminatoires. 2 saisons avec la Caroline, il a disputé un total de 54 matchs pour 4130 minutes. Il a joué son premier match avec l'Impact ce week-end, alors que l'Impact s'inclinait contre l'Université McGill dans un match préparatoire quand même assez intéressant là, de voir McGill affronter l'Impact. Alors pour moi, que... c'était l'équipe F de l'Impact. Là. Ouais, ben probablement, mais en même temps, bon, tu t'attends jamais vraiment à avoir un certain affrontement là entre ces deux équipes là. Puis quand même là, du côté de l'Impact, on aurait pu se gâter de faire un peu preuve de fierté. Et ensuite du côté toujours de Montréal, dimanche dernier, l'Impact qui cette fois a terminé sur la bonne note, 7-0, une victoire contre une équipe formée des meilleurs joueurs universitaires. Je me demande qui on a choisi exactement par meilleurs joueurs universitaires. Ben, exactement ce que je me suis demandé, et depuis le début de l'émission, je cherche la formation universitaire et évidemment, j'en ai pas. Donc, je suis un peu déçu et j'aurais aimé énormément. C'est quoi les étoiles universitaires? Parce que... ben, ça risque d'être quelque chose comme un amalgame de la première équipe d'étoiles puis de la deuxième équipe d'étoiles du circuit universitaire. Mais l'impression qu'on a peut-être choisi les gars de ces équipes-là qui sont de Montréal. Ouais, tout à fait. C'est mon impression. On n'avait certainement pas Vincent dans les buts. C'est ça. Du côté de l'équipe universitaire. Tu fais quoi en fin de semaine? Ah non, j'ai rien prévu. Ça t'a joué contre l'Impact. Ah, ok. Exactement. Alors, en terminant, vous irez voir, j'ai mis sur notre page Facebook un petit vidéo du mini Messi japonais. Une sensation incroyable au Japon. Vraiment, là, le petit dont le ballon lui arrive au-dessus des genoux est capable de faire tout un travail avec. Vraiment, c'est impressionnant. Et les paris sont déjà lancés à savoir quel club le mettra sous contrat l'année prochaine lorsqu'il sera âgé de 7 ans. Donc, c'était ce qui concluait la planète foot. Évidemment, j'ai dû laisser passer quelques informations, mais je vous reviens avec le plus de détails lundi prochain. Ah, ben oui, lundi prochain, donc les matchs, juste répéter quand débutent les mardi matchs. Mardi et mercredi, les matchs de la Ligue des Champions, et pour une fois, ils ne seront pas superposés, donc c'est-à-dire qu'on pourra assister aux 4 matchs là, dans dans les 8e de finale. On avait malheureusement superposé des matchs. D'accord, merci beaucoup, Philippe. Ça fait plaisir. On s'en va en musique. On s'en va écouter un petit peu d'Éric Panic avec la chanson Soldat de plomb ou d'argent. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Comme bien. petit soldat de plomb. Sous tes cheveux en bataille, les yeux de mouton. Une misère, tu tires à bout portant. Petite machine de guerre, et tu avances avant. Prends ton cœur. En ton épée et ton bouclier, mets ton petit casque et pars à la chasse. C'est pas un jeu, t'es dans la cour des grands. Tu dois être fort, tu dois rester vivant. Faut pas qu'il me trouve, j'ai besoin que tu me couvres. Laisse-toi devant, prends ton air combattant. Je te nourrirai, tu seras mon messager. Je t'enseignerai comment ne pas aimer. Petit soldat de plomb, sous tes cheveux en bataille, les yeux de faucon. Une mitraille, tu tires à bout portant. Petite machine de guerre, et tu avances avant. Compte en cœur. Soldat de plomb d'argent de la part d'Éric Panic, assez à texte comme toune, comme ça, de même, là, un matin comme ça. C'est assez. Salut les enfants soldats à travers la planète. Il se joint à nous en direct de Sherbrooke, M. JP Grenier. Ça va bien, JP? Ça va bien, vous autres? Ben, toujours, oui. Toujours. Good, good. JP, c'est oui. Ce soir la finale, après 3 semaines de tournoi, là, c'est ce soir la finale du March Madness du côté des États-Unis, le grand tournoi de basketball. On a 66 équipes qui se sont faites mettre dehors. Il en reste 2, dont une extrêmement surprenante. Quoique, ça fait 2 ans qu'ils sont là, là. C'est de moins en moins surprenant dans leur cas. Butler, qui affronteront une des bonnes équipes au pays, mais qui était moins bien classée cette année. UConn, parle-nous un peu là, du tournoi. Ben oui, après un nombre de matchs incroyables. Enfin, la finale. Enfin, c'est un grand mot. Puisque, écoute, moi, je m'attends jamais à ces matchs-là. Ouais. Écoute, ce soir, ça va être un excellent match, je crois. On a 2 belles équipes qui se sont rendues en finale. Tu l'as dit, le Butler, qui sont encore cette année surprenants. Mais là, c'est à se demander s'il faudrait pas les prendre au sérieux là, dans les années à venir. Eux qui comptent sur un entraîneur très jeune en Brad Stevens, 34 ans, qui a déjà fait ses preuves là, depuis qu'il est arrivé avec les Bulldogs de Butler, une fiche de 755 de pourcentage de victoire. Puis ça fait 2 Final Four, là, 2 finales même qui font 2 ans, donc a peut-être pas aussi de prestige que Coach K, par exemple, sauf que va vraiment falloir le prendre au sérieux pour les prochaines années. Puis Butler vont continuer à engager de nouveaux joueurs là dû à leur succès. Donc les Bulldogs sont à surveiller dans les prochaines années. Écoute, eux qui ont connu un tournoi incroyable, qui ont sorti toutes sortes d'équipes là. On l'a dit avec Philippe la semaine passée, c'était notre équipe pour la finale. Eux qui ont eu des obstacles là, que UConn, je pense, n'ont pas eu à affronter. Là, par exemple, je pense à Florida, je pense à Wisconsin qui était très fort. Même Pittsburgh, ils ont sorti les numéros 1. Donc, ouais, ben c'est ça. On a l'adversaire le plus solide. Ben, solide. Le plus difficile à battre au niveau, j'ai juste le terme en anglais, là, moi, seed, au niveau classement dans sa propre région, c'est San Diego State, qui était classé 2e. Mais à ce cas-là, Butler a sorti Pittsburgh classé 1er, a sorti Florida classé 2e. Et même Wisconsin classé 4e, oui, que plusieurs mettaient au Final Four, étant donné leur très forte équipe, là. Donc, non, les Bulldogs qui ont pas massacré, mais ils ont très bien joué aussi contre les Rams de VCU. En demi-finale samedi dernier, donc écoute, moi ça va être mon équipe jusqu'à la fin. Stadio, mais là Butler m'impressionne vraiment là. J'adore leur équipe. Ils ont des beaux joueurs avec Sheldon Mack, le numéro 1, qui est incroyable. On a aussi Hayward, le joueur blanc, qui est un gros bonhomme. Écoute, prends les rebonds. Attends, le joueur blanc. C'est le seul? C'est à peu près le seul dans l'équipe, là. Non, mais c'est parce qu'il est facile à identifier, là, c'est à peu près le seul, là. Est-ce que c'est lui qui avait pris le tir l'an dernier? Bon. Non, lui, c'est... non, c'est Gordon Hayward, c'est un autre. Lui, il est rendu dans la NBA, okay, là. OK, gradué, OK. Exactement, donc... un gros joueur, dans le fond, qui est bon pour prendre les rebonds. Tu as toujours besoin de ça au basketball. C'est ce qui manquait peut-être à une équipe comme VCU, qui était beaucoup plus petite. Qui misait sur la vitesse, sur les habiletés avec le ballon, les dribbles, plutôt que y aller à la bonne vieille façon de prendre les rebonds, comme un peu chaque fait dans la NBA. Donc, les Bulldogs sont très forts. Du côté du UConn, écoute, on a un coach d'expérience avec Jim Calhoun, qui prenait dans le fond contre John Calipari, là, qui est un autre coach légendaire de NCAA. On a eu droit à une très bonne demi-finale à ce côté-là, là, que ça s'est terminé 56-55 pour les Huskies de Connecticut. Écoute, pas dramatique comme le score l'indique, sauf que quand même, là, on était sur le bout du siège jusqu'à la fin. Les Wildcats, qui malheureusement n'ont pas pu s'en aller en finale, malgré leur victoire de 99, mais écoute, ça a été un très beau tournoi pour eux quand même. UConn, sont à leur troisième finale, si je me souviens bien, 98-2003, puis aujourd'hui, donc, eux qui comptent déjà deux victoires, donc, c'est deux équipes qu'on n'est pas nécessairement habitué de voir, là, en finale, là, surtout Butler, qui est à la deuxième finale seulement. En 2 ans, exactement. Dans les 2 dernières années, c'est eux qui ont eu le plus de succès, donc, est-ce que ce serait la meilleure équipe de la NCAA? Je crois pas, sauf que sont à prendre en considération. Ils sont la meilleure équipe quand ça compte. Exactement. Puis pourquoi on les avait mis 8e, là, c'est à se demander, est-ce que c'est à cause de leur conférence qui est assez faible, merci, donc... La Horizon League. Exactement, c'est pas comme le Big Ten. Non, est-ce qu'il va y avoir un changement de conférence? Je sais pas, je crois pas. L'école est pas encore assez grosse pour qu'on pense à ça, ni non plus le stade dans lequel ils jouent, mais écoute, c'est une petite équipe dynamique, le fun à avoir joué, puis Brad Stevens, qui est, d'après moi, rendu un des meilleurs techniciens, là, pour déceler les failles de l'adversaire, d'en profiter et motiver ses troupes. Là, l'entraîneur qui a l'air d'avoir l'âge de ses joueurs. Donc, JP, on fait de plus en plus de parallèles entre l'équipe de Butler et le film Hoosiers. Pour ceux qui connaissent bon le film Hoosiers, sinon allez vous le louer. J'imagine que c'est encore disponible dans certains clubs vidéo. Le film Hoosiers parle d'une jeune équipe dans un petit bled de l'Indiana dans les années 50, en 52-53 environ, qui, après une équipe qui a même pas assez de joueurs pour... normalement, c'est 12 joueurs, on en a 7, on en a 8-9 environ, qui accède au championnat d'État contre les meilleures équipes d'État, surtout en Indiana à l'époque. Et c'est inspiré d'une histoire vraie, ça devrait être ça que je devrais dire, qui est inspiré de la Milan High School, la ville de Milan, dans le fond, qui avait accédé au championnat national et qui avait remporté ce championnat national-là. La deuxième fois, ils ont accédé deux fois. La deuxième fois, ils l'ont gagné. La première fois, ils sont rendus en finale, justement, de ce championnat d'État, devrais-je dire. Et ce qui est cocasse dans le film Hoosiers, qui reprend cette histoire-là, c'est que la finale se déroule au stade de Butler, le réel stade, le réel arena où est-ce que où est-ce que Butler évolue. Et là, de voir tous ces petits parallèles-là qui se font, on dirait qu'il y a comme une histoire magique qui font que, hey, c'est peut-être la suite et peut-être que Butler va enfin l'emporter. Ben écoute, Butler qui est l'université d'Indianapolis. C'est ça. Qui est une université petite, ça se compare peut-être à 10 000 étudiants, pas plus. Eux qui forment un campus au centre-ville, même si je me trompe pas. Eux qui jouent au Inglefield House, oui. Qui est une réplique du Lucasfield Stadium, comme on le vit avec les causes d'Indianapolis, le Final Four était présenté l'an dernier. C'est là, donc c'est un beau hasard. C'est plus le contraire, c'est plus... C'est le Cossoyle Field qui s'est inspiré du Inglefield House. Oui. C'est-à-dire un building des années 30 en briques rouges. Très industriel comme look. Donc, une petite université de l'Indiana qui perce encore une fois. Ça rappelle Indiana State avec Larry Bird dans le temps. Dans les années 70. Écoute, Butler, Hoosiers, peut-être, ben, c'est parce que c'est au niveau secondaire, mais écoute, c'est la même genre de belle histoire, c'est cette équipe qui sort de nulle part. Puis, on le sait, là, l'Indiana, qui est un état un peu comme, par exemple, le Minnesota avec le hockey ou la Floride avec le baseball, c'est quand même un état au niveau universitaire. Ouais, la Caroline au basketball qui mange le basketball. Ouais, puis, le NASCAR. Le NASCAR, exactement. Je viens de me renseigner pour Butler. Je viens d'appeler du côté d'Indianapolis. on dit que l'université, c'est 4400 étudiants. Donc, c'est pas beaucoup, là, 4400 étudiants. C'est le tiers d'ici. C'est le tiers de l'UQTR. Ben, aide-moi donc un petit peu. C'est quoi, undergraduate? Dans le fond, c'est les étudiants qui sont dans les programmes, là, qui n'ont pas encore gradué. C'est ceux qui sont inscrits au bac. OK, exact. C'est le premier cycle. OK, donc on a 4512 étudiants là, dans ce cas-là, officiellement. C'est pas beaucoup hein, pour une école qui réussit à connaître d'aussi gros succès sur une scène aussi gigantesque que les États-Unis. C'est un peu comme l'Université Bishop au Québec, si on veut. Ouais. Eux qui, non plus, je crois pas, ont de programme d'études supérieures, donc... Ah, j'étais pas au courant. Non, ouais, c'est ça. Bishop n'ont pas de maîtrise ni de doctorat, donc... Je pense que c'est un peu la même chose avec Butler, là, dû au nombre pas très élevé d'étudiants. Ouais, ben selon Wikipédia, là, bien sûr. Là. Mais oui, j'avais pas vraiment appelé. Là. 615 puis, étudiants sont à la maîtrise, au post-graduate, donc aller à la maîtrise. Aller sur le site de l'université, ça, c'était pas dans tes options? C'est bien plus rapide sur Wikipédia, puis tu le sais autant que moi, là. Arrête, là. 615, donc comme tu dis, c'est pas une école qui est très reconnue pour son... C'est son deuxième cycle. Voilà. Et donc, voilà. Alors, ce soir... Ouais, c'est ça, j'aimerais ça avoir tes prédictions. Je vais y aller avec les Bulldogs de Butler. Ça va être un match serré. Selon moi, le score 66-64 pour les Bulldogs. Le match est à 9h23, heure de l'Est, donc ne manquez pas ça. C'est tard pour un match? Ben, c'est à Houston, ouais, c'est vrai. Exactement. En étant à Houston, on a un fuseau horaire, donc c'est un peu 8h23. Ça reste tard comme match, mais j'ai l'impression que c'est avec les chaînes américaines. C'est-à-dire qu'en commençant à 9h23, on va avoir le temps, bon, premièrement, d'avoir tout un avant-match, mais aussi d'avoir droit aux nouvelles de 11h, qui sont extrêmement importantes là, du côté des États-Unis. 1h30, c'est à peu près la durée d'un match de basketball collégial aux États-Unis. À moins que je me trompe... Non, ben de toute façon, t'as 2 demi de 20 minutes, ouais. Plus la pause de l'intermission. Donc, non, t'as raison, c'est environ 1h30. D'accord. Bon, ben merci beaucoup pour ce segment basketball. Ben, monsieur, en studio? Ah, Butler all the way, mais beaucoup moins serré que ce que JP vient de mentionner. Selon moi, là, il va avoir facilement un 6 à 7 points d'écart. Moi, je vais jouer l'avocat du diable, là. Je vais dire UConn, juste pour que OP... Je vais prendre pour Butler ce soir, mais je vais dire UConn, juste pour le fait que la logique va l'emporter. Moi, je vais faire comme Philippe a fait sa braquette. Je vais y aller au pif avec Butler. Bon, mais je l'ai fait au pif au début, là, mais je suis devenu quand même relativement... T'as terminé troisième. Ouais, troisième. Oh, non, mais pas juste ça. Je veux dire, je me suis intéressé au sport. C'est ça. J'ai acquis des connaissances dans ce sport, là, depuis cette période aléatoire de ma vie. Chose que l'année prochaine, je vais faire justement pour suivre ce tournoi de façon plus intense. Ça donne un bon push, ouais. Pour suivre ça. Ben, merci JP pour le basketball. On se reparle après la pause? Oui. On va parler baseball, le début de la saison dans les ligues majeures de baseball, là, bien sûr. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. N'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre live à commercial@inconduitedepartie.com et notre site web inconduitedepartie.com. À l'UQTR, c'est tout dans vos oreilles. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduitedepartie.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Ici Marc-Antoine Lavoie. Tout d'abord, au hockey de la Ligue nationale, les Sabres de Buffalo ont ralenti l'ardeur des Hurricanes de la Caroline hier en les disposant par la marque de 2-1. Les Sabres classés 7e prennent donc 3 points d'avance sur la Caroline qui sont présentement classés à la 9e position dans l'Est. Du côté de Philadelphie, les Flyers croisaient le fer avec les Rangers de New York hier soir. On a dû se rendre jusqu'en tir de barrage pour voir les Rangers gagner un match important et ainsi conserver sa 8e position, 2 points d'avance sur les Hurricanes. À Montréal, Jacques Martin a donné congé à ses joueurs hier au lendemain de leur victoire contre les Devils du New Jersey. Le tricolore disputera son dernier match à domicile mardi contre les Blackhawks de Chicago. Le Canadien se dirigera ensuite vers Ottawa et finalement vers Toronto.

AWOL Nation avec la chanson Cell. Ça te fait penser pas mal à qui, ça, Phil? Ah, ça me fait beaucoup penser à Nine Inch Nails. Tu sens les inspirations, là, tout en, évidemment, se distinguant un peu par le côté peut-être un peu plus été, un peu plus surf là, de la chanson de AWOL Nation. Vraiment, une chanson que j'adore, là, mon bon chum Yael, qui nous a fait découvrir cette chanson là il y a quelques semaines déjà, et on l'écoute sans cesse depuis. Donc quand j'ai vu qu'elle était dans tes choix possibles, saute là-dessus. C'est excellent. On continue à parler avec JP Grenier. On va maintenant parler baseball, parce que JP, toi, tout ce qui se passe au sud de la frontière, t'es pas mal un expert. Exactement. Puis le baseball, je joue, j'en écoute en masse. Puis écoute, c'est mon passe-temps préféré. Donc écoute, c'est un des plus beaux temps de l'année, l'été arrive. Malgré qu'on a encore de la neige, là, on sait que ça arrive tranquillement pas vite de notre côté. Puis quel sport le fun à regarder. Moi j'adore ça. Il y en a gros qui critiquent comme quoi c'est long, c'est plate, il se passe rien. Non, moi ça me permet de relaxer, de faire d'autres choses en même temps. Puis écoute, je m'ennuie de mes expos. Sérieux, ça fait mal ça puis là, mais regarde, écoute, je suis réaliste, je sais qu'on me fait pas vivre dans un marché. Comme Montréal, écoute, ils vont sûrement revenir un jour, peut-être, mais ça va prendre un stade. Tu crois vraiment à un retour possible des expos un jour? Ben écoute, rien n'est impossible, là. Moi, je pense que le jour qu'on va avoir une équipe de 2A, 3A, qu'on va prouver que Montréal est quand même une ville de baseball, là, historiquement. Écoute, moi, je suis en histoire, là, j'ai eu la chance de faire plusieurs travaux sur le baseball, puis... Écoute, Montréal est une ville de baseball, là. Dans les années 40, écoute, on était l'équipe des mineurs la plus populaire. Non seulement au niveau des assistances, sauf qu'une des meilleures, une des plus régulières, là, dans les victoires. Donc, écoute, Montréal a quand même une historique de baseball, puis je pense que c'est possible, là. Si on a des investisseurs qui pourraient s'investir là-dedans, c'est ce qui manque selon moi, là. Mais là, on dit une ville de soccer. Ouais. Ça a changé. C'est des années 2000, j'imagine. Le premier animateur d'une émission sportive, c'est fou, Tommy Auger, à l'époque où c'était sport encore, l'ancêtre de l'inconduite, était un fan fini de baseball. Et lui, à chaque fois qu'il y avait un lancer, à chaque lancer, il était assis sur le bout de son siège et raffolait de baseball. Ce qui m'a d'ailleurs toujours bien fait rigoler. Mais non, était très intéressant d'en entendre parler. Un peu comme tu fais, JP, en fait, là, tu nous donnes le goût d'aller jouer à la balle. Ouais. De prendre ta mythe. Ça sent le début de l'été, la mythe de baseball. Là, ouais, c'est ce qu'on disait. Les cuillerettes. La cuillerette est un signe du début de l'été. C'est une belle odeur. Du début du printemps, là, devrais-je dire. Bon, on va y aller, on va parler des ligues majeures. JP, écoute, comment tu vois ta saison? Comment tu vois tes 6 prochains mois là, du baseball américain? Ben écoute, bon début de saison intéressant, là. Je vais commencer avec la Ligue américaine. Tout d'abord dans l'Est. On a après 3 matchs. Je sais qu'il y a des équipes qui en ont joué 4, sauf que vu que 90% n'ont juste joué 3, on s'entend sur 3 matchs. Les Orioles qui ont 3 victoires, aucune défaite. Je vais parler un peu des Orioles, qui est selon moi une des belles surprises cette année. Eux qui misent sur une des meilleures formations à l'attaque de la Ligue. Et des gars comme sont allés chercher Guerrero. Il y avait Matt Wieters au Marb, qui est un des meilleurs catchers d'avenir de la Ligue. Les Orioles, là, si leurs lanceurs peuvent, dans le fond, durer, toffer toute l'année, je pense qu'on pourrait aller voir pour la bataille du meilleur deuxième. On est loin des années 60 avec Frank Robinson, des années 70 là, avec les très fortes équipes de Baltimore, même dans les années 90 avec les Mike Mussina de ce monde. Sauf que, écoute, les Orioles, là, vraiment, s'il y a une équipe qui pourrait surprendre dans l'Est, ça va être eux. Début désastreux, là, même si c'est juste 3 matchs, les Red Sox là, qui se sont fait balayer là, cette Rangers. Fin de semaine par les Rangers du Texas, qui est quand même une des puissances dans la ligue. Là. Je pense pas que ça soit un désastre tant que ça. Les Red Sox. C'est de la façon qu'on s'est fait battre chez les Red Sox, c'est des gros pointages. Vraiment, à part le premier match qui était pas si pire que ça. Le deuxième match, on a beaucoup accordé de circuit. Puis le troisième match, bon, on n'en parlera pas. Là. Ce que je vois sur Internet ce matin, c'est la panique à Boston. Ouais, hein? Je trouve qu'on y va fort un peu. Là. Il y a 3 matchs, 162 de jouer. Une saison, c'est très long, là. Moi, je trouve que c'est une des beautés de ce sport-là. C'est que la saison est tellement longue que des petits creux, ça dérange pas. Puis même chose pour les victoires, là. Les Orioles là, viennent en gagner 3. Est-ce que ça veut dire que c'est la meilleure équipe actuellement? Je crois pas. Donc, c'est ça du côté de l'Est. Et à Pittsburgh joue pour plus que 600. Exactement, que, les Pirates c'est qui ont... les deux équipes qu'on, dont on riait éperdument vendredi dernier connaissent de grands succès. Moi, j'ai jamais ri des Orioles. Ouais, non. D'ailleurs, tu m'as envoyé un petit message me disant que les Orioles étaient la deuxième équipe la plus riche en 98? En 98, les Orioles étaient l'équipe la deuxième plus riche parce que Forbes a sorti son classement. Des équipes les plus riches, sans surprise, bon, c'est Kansas City qui est premier. Et, ben non, bien sûr, c'est les Yankees de New York, suivi de... Ah, j'ai un petit blanc comme ça. C'est pas les Red Sox, par contre, c'est pas grave, là. Et c'est ça, donc, on a sorti le classement. Baltimore, qui est présentement 17e, donc... La fin des années 90 et début des années 2000 ont été difficiles pour Baltimore. On espère voir un petit redressement de situation là, dans leur côté cette année. Tu dis qu'il pourrait être une surprise, toi, JP? Ben, de leur côté, en plus, on compte sur l'un des meilleurs entraîneurs de la Ligue, en Buck Showalter. L'an passé, lorsqu'il a pris les rênes de l'équipe, la fiche de l'équipe est environ de 28-12. Donc, il est arrivé avec la mentalité du gagnant dans le vestiaire. Il est arrivé, il a dit, nous, on peut compétitionner contre n'importe quelle équipe, à n'importe quel niveau. Il reste juste à le prouver. On a des jeunes joueurs qui sont très forts. Ils ont un bon potentiel, qui sont en train d'émerger. Donc, je pense que Buck va amener une attitude positive qui leur manquait peut-être dans les dernières années. Là, on sait que les Orioles étaient destinés à finir dans les bas-fonds du classement de l'Est dans l'Américaine. Donc, ça change graduellement. Et puis, ça fait bien mon affaire. Donc, écoute, les Orioles, comme je t'ai dit, je pense qu'ils vont batailler pour le deuxième rang avec des équipes comme Tampa Bay puis les Yankees. Étant donné que je pense que Boston va remporter le titre de cette division-là, sauf que... écoute, il y a même notre ami Roger Brulotte qui, lui, les met dans les séries. Donc, je sais que c'est pas la meilleure référence disponible, sauf que c'est le fun quand même de voir un gars qui est là depuis longtemps dans la Ligue passer un peu comme moi. Au niveau de la centrale... Tu connais le taux d'insuccès dans les prédictions de Roger Brulotte? Non, pas personnellement, sauf que, écoute, je sais que c'est pas le plus grand connaisseur, mais il est quand même un très bon monsieur. Sauf que, écoute, c'est pas, par exemple, Jason Starks, là, ou des gars d'ESPN qui sont là à tous les matchs, là, surtout depuis qu'il n'y a plus la chance de pouvoir y aller à tous les matchs aux expos. C'est sûr que en étant un peu plus loin du monde du baseball, ça fait mal. De toute façon, quand on regarde ce que ça a donné, nos prédictions, les prédictions des experts du côté du March Madness, on peut se dire que ça vaut ce que ça vaut, une prédiction, hein? Oui, exactement. Donc, il y a 162 matchs, tout peut arriver. On se souvient, il y a quelques années, les Rays sont sortis de nulle part. Eux qui avaient enfin une bonne équipe, là, sauf que c'est un peu le même cas qui se passe avec Baltimore. Un peu l'avenir là, de la section Ouest avec les Rays puis Toronto. Là. Alors, justement, parle-nous un peu des Blue Jays, JP. Là, les Blue Jays, là, quelle équipe intéressante. Ouais, c'est ça. L'année de la rédemption. L'an passé, Toronto qui a fini l'année avec le nombre de... Ceux qui ont fini avec le plus de circuits dans toute la ligue, avec des frappeurs de puissance, là. José Bautista qui a émergé l'an passé. Vernon Wells, on est allé l'échanger, par exemple. Les Jays, très belle équipe à avoir joué. Des bons bâtons, des bons gants défensifs. Des lanceurs, là, des jeunes lanceurs, le fun à avoir joué. On a vu la première victoire en fin de semaine de Carl Drabek, qui est un des plus beaux espoirs au baseball que les Jays sont allés chercher. Donc, l'équipe là du DG Alex Antopoulos, le Montréalais, connaît du succès en début de saison. Une fiche de 2-1, se classe au troisième rang. Vont eux aussi batailler, je pense, que jusqu'à la fin pour le meilleur deuxième. Il va leur en manquer dû à leur inexpérience. Mais Toronto, là, si vous voulez des billets pas chers, du baseball, le fun d'avoir joué... beau temps, mauvais temps avec leur stade couvert qui peut s'ouvrir. Je pense que les Jays, c'est une belle alternative là, pour vous, les fans de baseball. Ça coûte une tank et demie de gaz, décembre. Exactement, ou en train, mais ça coûte cher. Ouais, là. C'est plus cher. Mais les Jays, écoute, un joueur, moi, qui m'impressionne particulièrement, c'est JP Arrecenbia, le catcher, le receveur de 24-25 ans, pas plus que ça. On l'a amené cette année, on lui a dit, écoute, mon homme, On s'en fout que tu frappes pour 200. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu diriges les lanceurs, que tu sois bon en défensive, puis que, dans le fond, tu travailles pour l'avenir. Parce qu'on sait que dans le niveau 3A, il y a tout démoli. Là. Donc, on sait que le talent offensif, il est là. Faudrait peut-être plus qu'ils prennent un peu de confiance au niveau défensif, mais ça va être tout un catcher d'avenir, là. Au même titre que Matt Wheelers avec, je l'ai dit, les Orioles de Baltimore. Au pire, les Jays ont José Molina pour le superviser. Exactement. Donc, on a quand même gardé un receveur d'expérience, comme un peu Valtech l'a fait avec Salta Macchia à Boston. Donc, belle initiative des Jays de mettre le vétéran avec le recrue. Je pense qu'il y a une saine compétition. José Molina, on le sait, c'est pas un jeune joueur. Plusieurs années d'expérience dans la Ligue. Il connaît son rôle, donc je pense que ça va être bénéfique pour l'équipe. Est-ce que Bautista va répéter ses exploits? C'est un frappeur qui s'est très bien amélioré au cours des dernières années. Là, il est passé de genre 18 circuits à 54 l'an passé. Là, pourquoi ce réveil-là? Va tout simplement, selon lui, changer sa technique de position au bâton. Ça a tout changé. Lui qui est beaucoup plus fluide maintenant, a suivi un certain régime. On le voit plus ligne, je sais pas comment dire ça en plus, français. Plus longinal. Exactement, à l'instar de Miguel Cabrera avec les Tigers de Détroit qui, ma foi, est rendu avec la chaise de Tony Gwynn en fin de carrière. Longiligne. Longiligne, longinal n'étant absolument pas un mot. Longiligne, ouais. Est-ce que tu crois, JP, que ça peut vraiment faire la différence comme tu disais, de passer là, de 18 à 54, ne serait-ce que de changer ta motion puis ta position au bâton? Ben exact. La première chose qu'il faut regarder, c'est sa position dans l'alignement. L'an passé, il était troisième derrière un gars comme Vernon Wells. Donc, il y avait des très bons lancers. Là. Les lanceurs le connaissaient peut-être pas autant. Mm-hmm. Un peu comme on voyait avec David Ortiz, Manny Ramirez à Boston. Big Papi qui avait tous les meilleurs lancers que Manny pouvait peut-être pas avoir dû à son statut de superstar. Donc Bautista qui écoute la première année qu'il est arrivé à Toronto, 9 circuits, ensuite 18 puis finalement 54. C'est assez incroyable, sauf que est-ce que les stéroïdes seraient inclus? Non, écoute, je pense pas qu'on peut se penser ça avec la réalité d'aujourd'hui et tous les tests qui sont faits. Surtout si tu dis qu'il a perdu du poids, qu'il est devenu un peu plus longiligne, mais il a moins, il est moins triangulaire, si on il veut. Il est là. Peut-être plus fort, par contre. Ouais, mais ça, tu peux être plus fort sans être ces stéroïdes. Là, t'es pas obligé de prendre des stéroïdes. Non, je veux dire que si le gras s'est transformé en muscle, t'es plus fort, là. Mm-hmm. Moins de poids à charger. D'ailleurs, Bautista devrait évoluer, va évoluer dans le champ cette année au lieu du troisième but où est-ce qu'on le connaît. C'est ça qui est intéressant aussi avec ce joueur-là, c'est qu'il joue toutes plusieurs positions. L'an passé, on l'a vu au premier but, au troisième but, dans le champ gauche, dans le champ droit. Je pense pas qu'on va lui donner le champ centre puisque ça demande beaucoup de vitesse. Ben, à date, il a joué. De responsabilité, là. À date, il a joué dans le champ droit dans les premiers matchs. Donc, c'est typique des frappeurs de puissance. On se souvient Vlad avec les Expos. Ouais. Habituellement, là, un bras canon, ces gars-là. Quand même une bonne défensive. Bautista qui m'a surpris l'an passé comme un peu tout le monde. Je pense pas qu'il répète ses Expos de 50 circuits. Je vais plutôt avec un 40 dans son cas. Dans les bas 40, le 40, 43, un peu comme on voit avec Pujols avec les Cards. Ça va vraiment être le leader de Toronto cette année. Eux qui forment une des plus jeunes équipes, une des plus fun à avoir joué. Donc, enfin, quelque chose d'intéressant à voir Toronto plusieurs années de vache maigre. JP, le temps avance rapidement. Là, on s'est écarté un petit peu. J'aimerais que tu nous parles des autres sections, tes prédictions un peu, comment tu vois ça? En centrale, écoute, il y a ma deuxième équipe préférée, là, les Royals de Kansas City, qui, forment un peu les Nordiques du début des années 90. Là, on accumule les choix repêchage, les bons espoirs. Un bon début à leur niveau, 3 victoires, 1 défaite. Je pense pas que ça va être leur saison. Ils vont plutôt se finir 4e ou dernier devant Cleveland. À ce niveau-là, Détroit est très fort. Je voyais avec les Twins. Les Twins, qui sont une belle équipe comme à toutes les années. En plus, ils ont un nouveau stade tout neuf, donc encore plus intéressant à voir. Justin Morneau va être revenu de sa commotion cérébrale, donc je vois que les Twins dans cette section-là. Dans l'Ouest, les Rangers, l'an passé, qui ont gagné. Je pense qu'ils vont répéter avec Oakland comme meilleur deuxième. Ouais, on parle d'Oakland comme une jeune équipe qui pourrait surprendre. Oui, exactement. Les Hayes, Après quelques années de vache maigre, là, vont enfin revenir à leur statut du début des années 2000, là, des bons lanceurs, une belle attaque balancée. Donc, les A's pourraient causer des surprises dans cette division-là. Dans la nationale, sans surprise, Philadelphie, je pense qu'on peut passer à la centrale. Quel lanceur! On parlait justement vendredi de la rotation de lanceurs. Est-ce que c'est mieux que celle des Braves d'Atlanta, selon toi, là, des belles années de Glavine et Maddux? Non, parce qu'avec Glavine Maddux, on a deux gars de 300 victoires. Mm-hmm. On a John Smoltz qui a 250 victoires, à peu près 200 sauvetages. Il aurait assurément atteint le cap des 300 victoires s'il avait été partant toute sa carrière. Mm-hmm. Je pense pas qu'on en est rendu là avec les Phillies, là, les Braves, qui ont gagné 14 championnats de section de suite. Ouais. La majorité avec ces gars-là, donc je pense pas qu'on puisse encore comparer. Mais c'est une très bonne rotation. Là. Dans les deux cas, on a des droitiers, on a des gauchers. Ça va être très, très difficile. Déjà, là, les Phillies, on peut les mettre en série. Ce ne sera pas plus compliqué que ça. Dans la centrale, maintenant, Milwaukee. Les Brewers, je crois qu'ils vont l'emporter cette année. C'est maintenant ou jamais. Le gros Prince Fielder qui s'en va après cette année. Là, donc, les Brewers devront gagner. Je pense qu'ils vont l'emporter devant Cincinnati et Saint-Louis qui ont perdu Wainwright. Ça va faire mal du côté des Cards. Mais ils comptent quand même sur le meilleur joueur de la Ligue en Albert Pujols. Et puis finalement, dans l'Ouest. Cincinnati, parle-moi donc un peu des Reds. Là. Les Reds qui sont vraiment cool, cette équipe-là, menée par Joey Votto, le Canadien, qui a gagné le joueur le plus utile l'an passé. Écoute, ils ont de très bons lanceurs, là, notamment le Cubain Aroldis Chapman, qui lance des balles à 104 000 à l'heure à toutes les fois. C'est un bel espoir que les Reds ont développé l'an dernier. Les Reds, je pense qu'ils vont leur manquer un peu de profondeur. Là. Je sais qu'ils ont Brandon Phillips, Joey Votto, des gars comme ça. Je pense qu'ils vont leur manquer un peu de profondeur. Que les Brewers ont sur le monticule, par exemple. Okay. Donc, voilà, les Pirates qui vont encore le finir dernier. Ça sera pas surprenant. et puis finalement, dans l'Ouest... Mais là, comme je disais, on joue pour plus que 500, même plus que 600. C'est vrai, si on avait 15 saisons consécutives perdantes, faudrait pas s'attendre à plus de Pittsburgh. Ah, non, finalement, dans l'Ouest, là, je pense que les Dodgers vont remporter le titre de section. S'ils peuvent éviter les blessures. San Francisco est meilleur deuxième, donc Arizona va terminer dernier, puis Colorado, San Diego vont se batailler pour la quatrième place. Dommage pour les Padres, là, on avait eu une belle saison l'an dernier, mais ça ira pas. On pourra pas construire là-dessus. Non, on va falloir recommencer peut-être du début là, avec des grosses équipes comme San Francisco, les Dodgers, puis Arizona qui comptent parmi la meilleure filière d'espoir de la Ligue, donc. Il va falloir regarder à ce niveau-là pour San Diego. J'adore tes choix, JP. Il y a des noms d'équipes qu'on n'entend pas souvent. Un peu un tournant dans le baseball majeur actuellement, ou si, après, je veux dire, là, les années où c'était sensiblement toujours les 6-7 équipes? Là. Écoute, dans le baseball majeur, c'est un cycle de 7-8 années, vraiment. Comme tu l'as dit, on a un tournant. C'est le fun d'avoir des équipes comme Milwaukee émerger. L'an passé, on a déjà eu San Francisco. Oui, c'est positif là. Positif pour la qualité du spectacle. Exact. Ben merci beaucoup, JP. Pas de trouble. Passe une belle semaine. Vous aussi. Salut, merci. Salut. Alors, c'était JP Grenier qui nous parlait baseball. Ben c'est ce qui conclut l'inconduite de partie pour cette semaine. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Pour Philippe Doucet, pour Marc-Antoine Lavoie, je suis Nicolas Ducharme. Bonne semaine tout le monde.